avec des signes. J'aurais fait des disques ronds. J'aurais fait sauter un fou avec des signes, des tons. Avec un cigare à la boue, je brasse à la cigare avec des signes. J'aurais pris style de son. La boucle est bouclée, j'arrive au fancy. Petit gros ton, juste des MC avec des signes. Des super protons avec des signes. J'aurais fait sûrement un crew de bardard avec Ria et tout le possi. Genre avec des signes, j'aurais calé comme Dupa dans un putain de guitabon. Des parlantes que j'apprécie. Genre avec des signes, elle n'aurait pas suivi la tape. Elle aurait fait prendre un pas. Elle s'appellerait Beyoncé en tout cas. Avec des signes, j'aurais été le king, le best, le signe du jazz, la team qui baisse. Avec des signes, j'aurais été ce type qui pèse. Trop de style, trop de fraîche et les strings se baissent. Avec des signes, j'aurais été le king, le best, le signe du jazz, la team qui baisse. Avec des signes, j'aurais été ce type qui pèse. Trop de style, trop de fraîche et les strings se baissent. Si je pouvais faire en sorte que ça glisse pour mes frères, que tous les vrais s'en sortent et puissent tout refaire, qu'est-ce que tu pourrais faire? Droit chemin ou tort, du tour de Pise ou Tour Eiffel. Si j'avais écrit au clair de la lune, si j'avais pu faire de droit tubes et faire de la thune, j'serais fier de ma plume. Mon frère, que crois-tu? Aurais-je été ma mère ou me serais-je offert de voiture? J't'assure que si ça dépendait de moi, quand ta des prendez-moi, changerais le ferme en sursis. Mais ça dépend des lois avec des cils. Bois devient sûr, moi, je fais en sorte que mes si deviennent sûrs. Si j'étais avide, serais-je ravide? Rapper ma vie, non, je n'aurais pas le même avis si je repars les mains vides. Si c'était de mon ressort, y'aurait un disque d'or chaque fois qu'un gars de néochrome sort. Avec des signes, j'aurais été le king, le best, le signe du jazz, la team qui baisse. Avec des signes, j'aurais été ce type qui pèse. Trop de style, trop de fraîche et les strings se baissent. Avec des signes, j'aurais été le king, le best, le signe du jazz, la team qui baisse. Avec des signes, j'aurais été ce type qui pèse. Trop de style, trop de fraîche et les strings se baissent. Avec des signes, c'est pas moi qui aurais produit mon scud. Ou faire les choses soi-même avant de se retrouver dans le. Avec des signes, j'aurais assassiné le shaitan. J'aurais enraciné nos parents. Avec des signes, j'aurais chanté malgré mon passé. Tu vois, avec des signes, avec des signes, j'aurais planté ce bâtard de sa croix à l'imbécile. Si j'avais le succès, aurais-je un tas de rôles, sexe tas de rock, luxe sur sexe comme une ex-star de rock. Pas de millions, pas de pavillon, mais je veux rien changer de mon passé depuis que j'ai vu l'effet papillon. Rien peut changer ce qui est fait, et c'est bien ce qui m'effraie. Le présent n'est qu'un petit reflet du passé. Viens et dis-le à ton petit ref avant qu'il regrette, qu'il le retienne bien. Avec des signes, j'aurais été le king, le best, le signe du jazz, la team qui baisse. Avec des signes, j'aurais été ce type qui pèse. Trop de style, trop de fraîche et les strings se baissent. Avec des signes, j'aurais été le king, le best, le signe du jazz, la team qui baisse. Avec des signes, j'aurais été ce type qui pèse. Trop de style, trop de fraîche et les strings se baissent. J'aurais été le king, le best, le signe du jazz, la team qui baisse. J'aurais été ce type qui pèse. Trop de style, trop de fraîche et les strings se baissent. J'aurais été le king, le best, le signe du jazz, la team qui baisse. J'aurais été ce type qui pèse. Trop de style, trop de fraîche et les strings se baissent.